Notre pain quotidien. Confectionner notre levain et cuire notre pain nous-mêmes est notre prochain objectif. Tous ces livres découverts au gré des brocantes s'avèrent d'emblée très utiles. En particulier la paysanne pratique et l'art de vivre au temps jadis. Non seulement ils vont nous aider à fabriquer notre pain, mais une bonne partie de ce que nous mettrons dessus. Notre beurre, nos confitures, nos fromages et plus tard nos charcuteries. Pour lancer le levain, nous prenons de la farine de seigle et de l'eau que nous mélangeons en bouillie épaisse dans une terrine. Nous la laissons reposer 3 ou 4 jours. Quand il sent bon le vin et que des petites bulles se forment à la surface, la fermentation est lancée. On va le nourrir chaque matin jusqu'à en avoir la quantité nécessaire au pain désiré. Si on veut en maintenir la production, il suffit de prélever une portion de la pâte en cours de pétrissage avant d'y avoir mis le sel, de rajouter de l'eau, de la farine blanche ou bise et de laisser travailler le tout au frigo. Avec un peu d'entraînement dans le maniement de nos ustensiles ménagers, cuisinière à bois ou four électrique 4 temps, nous tutoyons la perfection. Nos boulangeries, toutes plus diététiques les unes que les autres, pain, tresses, gâteaux, brioches, tartes, parfument la maison. Tout cela à la main, s'il vous plaît. Juste la bite et le couteau, gré Dieu, comme dit Jeannot, qui adore monter des blancs en neige ou faire de la chantilly avec un simple fouet. Pas question d'utiliser un robot ménager, sauf un petit mixeur élémentaire et le hachoir à viande légué par la tantrute. Nous tenons à la sobriété, par souci d'écologie autant que pour garder le contrôle de toutes les phases de la fabrication, quelles qu'elles soient. Cela représente plus de travail, c'est sûr, mais après tout, nous avons nos journées à nous. Tout faire soi-même prend plus de temps qu'acheter préfabriqué. Au moins, nous savons ce qu'il y a dans nos assiettes. Nous avons été choqués, voire traumatisés par plusieurs reportages montrant de quoi sont composés certains plats, en particulier ceux destinés à nos enfants. Comme si tout ce qu'on ne pouvait plus fourguer aux adultes était systématiquement transformé en mixture pour bébés. Personnellement, nous préférons qu'il soit abreuvé au lait cru et nourri de pain maison. Après le sevrage, les premières bouillies de blé dur, les compotes de pommes et les bananes écrasées, nous fabriquons les petits pots. Un morceau de viande ou de poisson, quelques légumes, une pomme de terre, un peu de sel et 3 tours de mixeur. J'ai appris à éviter l'oignon et l'ail. Une Charlotte de 9 mois qui pue l'ail à plein nez, l'expérience peut se permettre de demeurer unique. J'ai déjà parlé d'Henriette qui représente à elle seule un atout considérable dans notre perpétuelle quête de nourriture. Préposée à la laiterie, elle accueille les 3 éleveurs du coin. Tous les soirs, ils apportent les boys et les vident dans le grand réservoir. Tous les 2 jours, le camion vient siphonner le réservoir qu'il faut ensuite laver à fond. C'est son travail, ainsi que de gérer les produits et les ventes. Yogourt, fromage, beurre, etc. Henriette est une grand-maman très généreuse, en quête constante d'enfants à aimer, surtout depuis que les siens sont partis. Elle s'occupe parfois des nôtres, en particulier de Charlotte, qui l'amène par le bout du nez et obtient d'elle tout ce qu'elle ne peut avoir à la maison. Elle nous donne souvent des produits, ceux qui approchent ou dépassent légèrement la date limite. Dès le temps des récoltes venues, elle partage, sans compter, les fruits et légumes de l'immense jardin potager qu'elle cultive entre mai et septembre. Henriette aime partir en maraude et m'emmène volontiers cueillir des épinards sauvages ou ramasser des châtaignes. Ah, ces castanailles! C'est pas seulement regarder dans la même direction que devraient faire les amoureux, c'est éplucher 5 kilos de châtaignes avant le mariage. Ensemble, cela va sans dire. Si après cela leur entente persiste, alors ils sont partis pour la vie. Nous avons passé des heures à les fondre, les cuire et les peler, pour les transformer en marrons glacés, bûches de Noël ou vermicelles. Notre patience et notre sens de la solidarité ont été mis à rude épreuve. Même si nous maudissions, parfois, de concert, l'instigatrice de cette pénible corvée. Mais que n'aurais-je pas fait en ces jours difficiles pour tirer profit d'un aliment gratuit. Dès que la neige a fondu, nous nous préparons à fêter le printemps et les futures cueillettes. Mon jardinier de Marie me montre dans nos nouveaux livres les premières plantes. Tussilage, ail des ours, prime vert, aspérule, que nous allons bientôt pouvoir récolter. Nous étudions leur terrain de prédilection. Il m'apprend à ne pas confondre, par exemple, l'ail des ours avec le muguet, qui est toxique. J'apprends énormément et je suis impatiente de me lancer dans la pratique. Mais tout cela ne suffit pas à me détendre, hélas. La précarité de notre situation me ronge, m'obsède. Serais-je trop responsable? Une joyeuse sérénité semble inaccessible. Je compte et recompte. J'en veux à mon aimé pour la moindre erreur de calcul. Heureux homme qui a déjà dépassé depuis longtemps ce genre de considération et qui reste serein. Mais moi, j'estime chaque dépense non vitale comme inconsidérée, alors que ça ne changerait rien à la situation générale. Et je ne peux de ce fait éviter l'acrimonie. Il faut que ça sorte. Je lance des méchantes piques de ménagères approvisionnées, comme me rabroue gentiment Jean-Paul quand j'exagère. Je porte le poids de la terre sur les épaules. J'oublie que je suis deux. Je garde sourdement ancrée au creux du ventre la peur des lendemains. Ne pas pouvoir payer nos factures est ma hantise. Nos frais fixes sont bien trop élevés par rapport à nos revenus et je ne sais pas, pas encore, vivre sur un budget annuel. Chaque fois qu'on essaye de garder une ligne de conduite, un imprévu fait tout capoter. Jonglant sur une corde raide, je le sais bien qu'il faudra des années pour que notre situation financière se stabilise vraiment. Mais en attendant, nous sommes à la merci du moindre accident, du plus petit faux pas. J'ai beau savoir que tout ira mieux un jour, j'ai de la peine à lâcher prise, à accepter mon impuissance, à faire confiance. Il m'est bien égal d'être pauvre, mais ne pas pouvoir sortir travailler, peu importe à quoi, pour nous tirer d'affaires, est extrêmement pénible. Je suis tellement bien conditionnée. Je me raccroche à la fausse sécurité d'une dernière carte de crédit datant de ma vie d'avant. Et dans les moments de grand doute, quand je suis submergée par le terre-à-terre et le matériel, je fredonne en boucle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, pour conjurer mes angoisses. Dieu pourvoit, et pas qu'en leçon de vie. Qu'on y croie ou pas, c'est ce qui nous arrive. J'en veux pour preuve les multiples petits miracles qui jalonnent notre parcours. Comme ce courrier perdu 10 fois et arrivé la 11e, avec une petite fortune. Comme cet argent prêté il y a longtemps, oublié et rendu au bon moment. Comme ces dividendes d'assurance qui arrivent sans crier gare, pour ne parler que du nerf de la guerre. Chaque fois que nous sommes au bord du gouffre, hop, un parachute s'ouvre pour nous permettre de le survoler. Nos besoins sont immanquablement satisfaits, souvent d'une manière qui dépasse l'entendement, rarement comme nous pensions qu'il devrait l'être. Nous souffrons d'un manque cruel d'imagination dans certains domaines, mais d'une manière qui nous oblige à être innovants. Les situations les plus scabreuses trouvent une fin heureuse, pour peu que nous sachions exploiter nos atouts pour les positiver. Nous ne pouvons pas changer l'histoire, mais nous avons ce pouvoir de modifier notre regard sur elle. Ainsi, quoi qu'il arrive, c'est pour nous une occasion de nous enrichir et de grandir spirituellement.